إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue aujourd'hui dans cette quatrième partie de l'explication de cette conférence du Cheikh Mohammed ibn Ramzan al-Hajiri. Et le titre de cette conférence c'est وضوح المنهج وأثره في انتشار الدعوة. C'est-à-dire la clarté dans le manhaj et son effet dans la propagation de la da'wah. Hein? Et maintenant que le Cheikh Mohammed Ramzan al-Hajiri a terminé donc de faire son explication et sa présentation, il laisse la parole à son Cheikh, hein, un parmi ses shuyukh, le Cheikh Salih ibn Sa'd al-Suhaymi, et il lui donne la parole pour conclure le sujet et pour donner quelques clarifications et quelques exemples. Hein, et donc c'est cette parole maintenant qu'on va lire qui a été, disons, la conclusion de la conférence du Cheikh Al-Hajiri. Donc le Cheikh Al-Suhaymi, Hafizahullah, il dit Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن نكون ممن شملهم الله بمن ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. Donc le Cheikh il commence en disant louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, et paix et salut et bénédiction sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille et sur tous ses compagnons. Ensuite on demande à Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms, par ses plus beaux noms et par ses sifat, par ses sifat, c'est-à-dire par ses attributs élevés, qu'il fasse qu'on soit parmi ceux sur qui s'applique la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'il n'y a pas de groupe de personnes ou des gens qui se réunissent dans une des demeures parmi les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se réunissent dans les maisons d'Allah, dans les mosquées, pour réciter le livre d'Allah ou pour l'étudier entre eux. Excepté qu'il y a la miséricorde qui les recouvre et ils sont entourés des anges et la tranquillité descend sur eux et Allah subhanahu wa ta'ala les mentionne à ceux qui sont auprès de lui. Ensuite il dit Ayyuha al-ikhwa, laqad tawafa bina akhi fadilat al-shaykh Muhammad ibn Ramzan al-Hajiri الداعية المعروف وفقه الله تعالى في هذا الموضوع الهام ألا وهو وضوح المنهج وأثره في انتشار الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بعيدا عن المناهج الخفية التي يديرها أهلها في الدهاليز ويرسمون لها الخطط في الظلمات والوهاد والأودية بعيدا عن الأنظار. Donc le Cheikh il dit oh mes frères, notre frère, le noble cheikh Mohammed ibn Ramzan al-Hajiri, a fait le tour d'un sujet très important. Le cheikh Mohammed Ramzan, qui est un da'iya très, très connu, il a fait le tour d'un sujet très important, et ce sujet c'est la clarté dans le manhaj et son effet dans la propagation de la da'wa à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a clarifié que cette clarté, elle est loin de la méthodologie des gens qui agissent dans le secret, et qui font leurs activités dans les coulisses, et qui dessinent ou qui font des plans dans les ténèbres et dans les bas-fonds, et dans les endroits privés, loin des regards. إن الدعوة الإسلامية دعوة واضحة ليس فيها خفاء يعرف ذلك كل من كان له لب يفرق به بين الأشياء ولكن ذلك قد يخفى على ضعاف البصيرة وقد يخفى على من ليس أو على من لم يؤسس دعوته على من منهج النبوة وتخفى على من لم يعتمد الأصول الكتاب السنة الإجماع أقوال الصحابة يخفى ذلك على من يتخير في الدعوة يأخذ ما يشاء ويترك ما يشاء بل ربما تركت بعض الأحزاب وبعض الجمعيات وبعض الجماعات ربما تركت أصل الأصول وحذرت منه ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى بدعوى أن الدعوة إلى التوحيد يفرق الأمة. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il explique maintenant? Il dit que cette da'wa, wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh, cette da'wa islamique, c'est une da'wa qui est claire, elle n'est pas faite en secret ou en cachette. Tout le monde qui a un cerveau est capable de savoir ça. Et tout le monde qui est capable de distinguer entre les choses est capable de comprendre ça. Tout le monde est capable de le comprendre, excepté que cela peut échapper à certains individus qui sont faibles dans leur connaissance, ou faibles dans leur esprit, ou bien faibles dans le sens qu'ils n'ont pas établi leur da'wa sur le manhaj des prophètes, le manhaj des prophètes d'Allah, alayhi salatu wassalam. Donc ça peut échapper à ceux qui n'ont pas établi leur da'wa sur le manhaj des prophètes, ou bien sur ceux qui n'ont pas établi leur da'wa sur les fondements de l'islam, c'est-à-dire le Coran, la sunna, le consensus et les paroles des sahaba, le consensus des salafs et les paroles des sahaba. Donc pour ces gens-là, ça peut leur échapper, ils peuvent ignorer certaines de ces choses-là. Et ça peut échapper également à ceux qui essaient de choisir dans leur da'wah et dans leur islam. Ils prennent ce qu'ils veulent de l'islam et ils laissent ce qu'ils veulent. Yani, ils agissent avec la religion d'Allah comme si c'était un bazar, un marché. Tu prends ce que tu veux dedans, ce que tu veux pas, tu le laisses. C'est pas comme ça la religion d'Allah. La religion d'Allah, tu prends tout ce qui est dedans. Et tu laisses rien. Tu acceptes ce qui est dedans et tu le prends, et tout ce qui est contraire, tu le laisses et tu le rejettes. Et donc, il dit qu'il y a même certains groupes ou certaines associations ou certains groupes, certains partis, non seulement ils prennent ce qu'ils veulent, ils laissent ce qu'ils ne veulent pas, mais en même temps, ils vont même laisser le fondement de tous les fondements dans l'islam. Ils vont même laisser le fondement de tous les fondements, et ils vont même mettre en garde contre ce fondement, c'est-à-dire le tawhid. Donc ils laissent le tawhid de côté, l'unicité d'Allah, et ils mettent en garde contre ceux qui appellent au tawhid et qui expliquent le tawhid et qui enseignent aux musulmans le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la raison pour laquelle ils avertissent contre cela, c'est parce qu'ils ont comme prétexte l'idée que le tawhid, ça divise. Ils disent que le tawhid, ça divise la umma. De parler de la da'wa salafia, ça divise la umma. D'expliquer aux gens la différence entre le shirk et le tawhid, le kufr et l'iman, hein, ça, pour eux, ça divise. Il ne faut pas en parler. Et le cheikh, il dit à ce sujet, justement, il dit « حَقًا إِنَّهُ يُفَرِّقُ النَّاسِ يُفَرِّقٌ إِلَى فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ حَقًّا إِنَّهُ يُفَرِّقُ النَّاسِ إِلَى فَرِيقَيْنِ فَرِيقٌ يَمْشُونَ مَعَ الاثنين وَالسَّبْعِينَ فِرْقَةٌ يعني كالفرق التي كلها في النار هذه الفرق التي كلها في النار والفريق فريق واحد مع الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهي الجماعة وقال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي المترسمين لخطى النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Donc le cheikh il dit oui c'est vrai que ça divise. Ça divise les gens en deux groupes. Un groupe pour le paradis et un groupe pour l'enfer. Le tawhid, ça divise les gens, oui c'est vrai. Ça divise les gens en deux groupes. Un groupe pour le paradis, un groupe pour l'enfer. Ça divise les gens en deux groupes. Le premier groupe, ceux qui marchent avec les 72 sectes, qui vont toutes en enfer. Et l'autre groupe, c'est le groupe du groupe sauvé et du groupe victorieux qui est celui qui va au paradis, hein, qui est promis au paradis. Dans, comme dans le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette umma allait se diviser en 73 sectes et qu'elle serait toute en enfer excepté une. Et quand les sahaba ont demandé au sujet de ce groupe qui sera au paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant que c'est la jama'a. Les gens qui sont réunis sur la vérité. Hein? Et il a dit dans une autre narration, ceux qui sont sur ce que je suis moi-même aujourd'hui et mes compagnons. Et mes compagnons. Ceux qui suivent la ligne qui a été tracée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans leurs paroles, dans leurs actions et dans leurs croyances, dans leur aqidah. Ce sont eux. Hein? Ce sont eux qui sont sur la voie ou le chemin des gens qui sont dans le groupe sauvé. Et le cheikh il mentionne le verset 21 dans surat Muhammad dans lequel il dit, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie il y a certes pour vous un meilleur exemple ou un bon exemple en la personne du messager d'Allah pour quiconque espère en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier et qui se souvient souvent d'Allah ou qui mentionne Allah subhanahu wa ta'ala constamment. Donc notre modèle, notre uswa, c'est l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, ceux qui l'ont suivi par la suite de la meilleure manière, hein, jusqu'au jour dernier. Le cheikh il dit inna ad-da'wah al-wadihah al-jaliyah al-mustamaddah min kitab Allah وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الإفراط والتفريط بعيدا عن الغلو والتقصير أحد الدعاة في المملكة من علمائنا الأفاضل طلب منه أو طلب منه بعض الشباب لقاء من أجل أن يذكرهم فقال بعض الحاضرين يا شيخ هذا المكان يرانا فيه الناس فهل بحثنا عن مكان بعيد عن الأنظار يريدون أن يلتبسوا أودية أو وهادا أو كهوفا يذيرون من ورائها الخطط فعرفهم الشيخ وفقه الله وقال نعم عندي مكان عظيم لمثل هذه اللقاءات فأخذهم وذهب بهم إلى المسجد إنه أخونا فضيلة الشيخ زيد ابن هادي المدخلي وفقه الله. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il explique? Il dit que cette da'wa, elle est une da'wa qui est claire, qui est extraite, tirée directement du Coran, le livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et qui est loin, hein, qui s'éloigne totalement de l'extrémisme, de l'exagération et du laxisme dans la religion. Hein, c'est-à-dire on s'éloigne de toutes les formes d'extrémisme. Ceux qui exagèrent parce qu'ils veulent faire plus, parce qu'ils veulent faire trop, et ceux qui exagèrent parce qu'ils veulent enlever, parce qu'ils veulent tomber dans le laxisme, hein, et diminuer la religion. Donc on doit être entre ceux-là, entre cet extrême et l'autre. Hein? Donc c'est ça, cette da'wa c'est ça, c'est de suivre le Coran et la Sunna sans exagérer et sans tomber dans le laxisme et sans tomber dans l'extrémisme ou dans le manquement. Hein? Et il dit que yani, un des mashayikh parmi les du'at, les ulama qui font la da'wa en Arabie Saoudite, parmi les ulama, certains jeunes lui ont demandé d'avoir une rencontre avec lui pour qu'il puisse leur faire un rappel. Alors certains d'entre ceux qui étaient présents ont dit au cheikh, est-ce que yani, on pourrait trouver un autre endroit pour faire notre rencontre qui est un peu loin, qui est loin des regards des gens, dans un endroit où on pourrait être à l'abri des regards, hein? Cherche-nous un autre endroit pour faire notre rencontre. Et le cheikh, il dit, il voulait un endroit comme un endroit comme un club privé, hein, ou un bas-fond, ou une cave, quelque chose comme ça, un endroit, une caverne où ils peuvent se cacher pour faire leur programme, pour faire leur plan. Le cheikh, il les a reconnus, il a compris que ces gens-là, c'était cette catégorie de personnes. Alors il leur a dit, oui, j'ai un endroit qui est très bon pour vous, pour faire ce genre de rencontre. Alors il les a pris et les a amenés à la mosquée. À la mosquée. Et c'est notre cheikh, le cheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah, wa waffaqahullah. Donc ça c'est des exemples, hein, pour nous faire comprendre que cette da'wa, il n'y a rien de secret dedans. Et ce n'est pas une da'wa qu'on fait dans des endroits privés, dans des endroits secrets, dans des endroits loin des oreilles et des yeux des gens. Hein. Parce qu'il y a des gens qui ont une da'wa différente pour les gens en général, puis une da'wa différente pour les gens en privé. Ils ont, hein, ce genre de da'wa secrète. Hein. Allahul Musta'an. Donc le cheikh dit, notre da'wa c'est pas ça. Notre da'wa c'est ouvert. Notre da'wa c'est public. Notre da'wa c'est devant tout le monde. Tout le monde entend notre message et c'est la da'wa de tous les messagers, de tous les prophètes et de tous les sahaba et de tous ceux qui ont suivi ces hommes jusqu'à nos jours. Il n'y a rien de secret là-dedans. Donc le cheikh dit, faya ayyuha al-ikhwa, faya ikhwat al-islam. خذوها قاعدة واضحة كما بين أخونا وفقه الله كل دعوة أهلها يختفون عن الأنظار ليست دعوة إسلامية حقيقية ليست دعوة على منهج النبوة ليست دعوة على المنهج الحق. الشيخ الزي prenez-le comme une règle. Comme qu'est-ce que le cheikh il vous a dit dans cette conférence, le cheikh Mohamed Ramzan Al-Hajiri, hafizahullah, prenez qu'est-ce qu'il vous a dit dans sa conférence comme étant une règle et un fondement clair. Comme il nous l'a expliqué. Et c'est quoi cette règle? C'est que toute da'wa dont les gens qui sont membres de cette da'wa ou qui travaillent dans cette da'wa font des choses en se cachant du regard des autres, soit du regard de l'État, ils se cachent du regard de l'État, ils se cachent du regard des musulmans ou d'un groupe de musulmans, hein, tu vois qu'ils font des choses en cachette, sachez que ça, ce n'est pas une da'wa qui est réellement islamique. Ce n'est pas une da'wa qui est islamique réellement. Hein? Si vous voyez des gens qui font une da'wa en privé, en cachette, qui est différente de ce qu'ils disent ouvertement, sachez que ça, ce n'est pas une da'wa qui est sur le manhaj des prophètes. Ce n'est pas une da'wa qui est sur un manhaj de la vérité. Hein? Cheikh, il dit, « يُخَطَّطُ فِيهَا لِلْبِدَعِ وَالْخُرَافَاتِ وَالْخُزَعْبَلَاتِ » C'est-à-dire qu'ils font des plans. Hein? Ils planifient pour faire des bid'a', hein? Des superstitions et des choses yani, qui n'ont rien à voir avec l'islam. Ils mélangent tout. Et ça, tu le retrouves chez les groupes et les bid'as de toutes les tendances. Hein? Tu vas voir, par exemple, les soufiyins, ahlul bid'a, parmi les soufiyas. Leur bid'a, ils ne les pratiquent pas devant tout le monde. ils vont se cacher dans leur centre soufi ou dans leur zawaya pour les faire. Ils vont pas venir ici, par exemple, pendant qu'on se réunit pour faire la salat, commencer à faire leur danse, amener leur tambour, puis commencer à faire leur bida devant tout le monde. Hein? Commencer à faire leur zikr innové. Ho, ho, ho, ho. Hein? Devant tout le monde. Ils savent. Ils savent très bien que s'ils commencent à faire des bida devant tout le monde, ils vont se faire condamner, ils vont se faire critiquer par les gens. Tout le monde va savoir que c'est des gens d'égarement. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une image devant les gens qui montre une image de piété, une image de retenue, hein, une image de vertu, hein, une image de respect qu'ils montrent en public. Mais quand ils sont que entre eux, en privé, et qu'ils savent qu'il n'y a pas d'intrus parmi eux, que ce sont seulement ceux qui sont d'accord avec leur bid'a qui sont là, et là ils montrent leur vrai visage. Et ils montrent leur bid'a. Et ils montrent leurs égarements. Et ils commencent à pratiquer leurs choses qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna. Hein? Le Cheikh il dit, « Wa yukhattatu fiha li ta'sisi madhhab al-khawarij » La même chose. Le manhaj des khawarij. Que ce soit les gens parmi les groupes qui ont été influencés par les khawarij et leurs idéologies, parmi les ikhwan, parmi les sururiyah, parmi les Qudbiyin, hein, parmi les Takfiriyin et les Jihadiyin, que ce soit les groupes comme Al-Qaïda ou d'autres, parmi les gens de Bid'a, eh bien, ils sont tous dans cette catégorie-là. Ils font leur plan, ils font leur programme pour appeler au Takfir, pour faire des attentats, pour tuer des innocents, pour faire couler le sang des gens, pour faire des coups d'État, pour faire des révoltes, pour faire des manifestations. Hein. Tout ça, ils le font en privé. Tout ça, ils se cachent pour le planifier. Ils ne le font pas devant tout le monde. Ils ne vont pas le faire dans la mosquée. Ils ne vont pas le faire sur le minbar. Ils ne vont pas le faire devant les musulmans. Ils ne vont pas le faire devant les koufars. Parce que leur da'wah, c'est une da'wah de bid'ah qui est en opposition avec la clarté du manhaj des prophètes. Hein? Et du manhaj des salaf al-salih. Hein? Donc ça, c'est un autre exemple qui montre comment ces gens-là, ils font leurs affaires. Les ikhwan, c'est comme ça. Vous voyez, par exemple, les ikhwan, en Europe, quelle image ils se donnent. Ils veulent toujours paraître comme ceux qui sont les gens qui sont modérés. Ils vont essayer d'adopter le langage du dialogue, du multipartisme, de la diversité, hein, de la liberté d'opinion et d'expression, même qu'ils vont juste ils vont jusqu'à appeler à la liberté de croyance. Allah al-musta'an. Hein? Et ils vont jusqu'à même à dire que les juifs et les chrétiens ne sont pas des koufars. Ils vont insister sur le fait que pour eux, ce n'est pas obligatoire d'avoir la barbe. Et ils vont même se raser. Hein? Ils vont négliger beaucoup de choses qui sont haram. Ils vont les déclarer halal pour faire plaisir aux gens. Et donc plein d'exemples comme ça. Ça c'est une image qu'ils ont ici en Occident. Tu vas aller dans d'autres pays, tu vas voir qu'ils ont un autre visage. Tu vas aller en Égypte, tu vas voir les Ikhwan là-bas, tu peux même être trompé. Certains, parmi les frères, ils arrivent là-bas, ils voient des Ikhwan, des longues barbes, des qamis, les femmes avec jilbab et sitar, ils pensent que ce sont des salafiyin, alors que ce sont des Ikhwan. Pourquoi? Parce qu'ils s'adaptent à l'endroit où ils sont. En apparence, tu dis c'est des salafis. Mais dans leur aqidah, dans leur manhaj, dans leur méthodologie, ils n'ont rien à voir avec la salafie. Ils ne respectent que les gens de bid'a comme eux. Ils ne respectent que les fondateurs de leur jama'a et ceux qui sont avec le programme de ceux qui ont établi cette jama'a. Hassan al-Banna, Sayyid Qutb et ceux qui sont avec cette tendance. Et n'oubliez pas que ceux qui étaient à la base de ces groupes, ils ont planifié pour des attentats, pour des coups d'État, pour des meurtres même, et des assassinats calculés et planifiés. Ça, c'est pas par des groupes qui sont venus après, c'est les fondateurs même de cette jama'a qui ont travaillé pour faire ces choses-là. Donc, ils ont, leur jama'a, elle est divisée en deux groupes. un groupe public a une image qu'ils ont qui montre la modération, qu'ils montrent qu'ils sont ouverts, et une autre branche qui s'occupe hein, de faire le désordre et de créer la fitna et de faire des attentats et de faire du désordre comme ça. Hein? Alors que c'est la même jama'a, ils travaillent les deux ensemble. Et quand un fait un désordre, et un, quand un détruit, l'autre il vient et il s'excuse et il vient s'innocenter. Et dire nous, on n'a rien à voir avec ces gens-là. Et ils n'ont rien à voir avec nous. Hein? Alors qu'ils sont avec eux, ils travaillent ensemble. Hein? Ça, c'est des exemples de cette catégorie-là. Ne vous laissez pas tromper par l'apparence. Même des fois, des gens qui ont des diplômes de certaines universités islamiques, vous allez même voir des gens qui ont des diplômes d'université de médecine, et que ce sont des sororis, ce sont des ikhwan, ce sont des tabliris, ce sont des soufis, ce sont des diobandis. Ils ont étudié là-bas juste pour avoir le diplôme. Ce sont des gens qui courent après les diplômes seulement. Une fois qu'ils ont eu le diplôme, ils ont mis tout ce qu'ils ont appris sur les étagères, ils l'ont mis de côté. Ils reviennent à leur manhaj qu'ils avaient gardé dans leur cœur pendant tout ce temps qu'ils étaient là-bas. Hein? Ils cachaient leur vraie tendance quand ils étaient là-bas et ils semaient des shubuhat parmi les nouveaux, élèves parfois. Ils en profitaient pour créer des fitan, puis quand ils reviennent, tu vois leur vrai visage, leur masque qui tombe, et tu vois qu'ils n'appellent pas à la salafia, ils ne clarifient pas la aqida salafia, et ils s'allient avec les ikhwan et avec les gens de bid'a, et même avec les kuffar et avec les gens des garma. Et ils se disent parfois même salafi. Hein? Donc il faut faire attention à ces catégories de personnes, et vraiment revenir aux bases, revenir aux fondements et écouter et entendre et comprendre qu'est-ce que les ulama expliquent à ce sujet-là et donner de l'importance aux livres des ulama qui clarifient le manhaj pour les musulmans et qui distinguent entre ces groupes-là. Hein? Parce que c'est très important à notre époque. C'est très important de comprendre ces choses-là à notre époque parce que celui qui ne comprend pas ça, il va être confus dans sa religion. Le cheikh il dit ويخطط فيها لتأسيس المذاهب الفاسدة التي يروج لها طلاب المناصب ويروج لها كثير ممن عميت قلوبهم وأبصارهم عن الهدي النبوي القويم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui également planifient et qui font des plans pour et des complots pour établir des voies corrompues qu'ils propagent parmi les gens qui, ou qui sont propagés par les gens qui veulent arriver à des postes ou à des positions importantes dans la société ou bien dans des associations ou dans des groupes. Et donc ils ont été aveuglés. Leur cœur a été aveuglé et leurs yeux ont été aveuglés de voir et de comprendre la guidance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ce sur quoi se tenait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons alayhi salatu wassalam radiyallahu anhum wa ardahum. إلى الشيخ الذي ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إذا رأيتم القوم يتناجون في أمورهم إذا رأيتم القوم يتناجون في أمورهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله. C'est une parole de Omar ibn Abdul Aziz qui est très importante. Il dit, إذا رأيتم القوم يتناجون في أمورهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. Donc qu'est-ce qu'il dit Omar ibn Abdul Aziz, un des imams parmi les salaf et un des khulafa, qu'est-ce qu'il disait rahimahullah? Il disait, si vous voyez des gens qui se réunissent en secret pour parler des choses en dehors du commun des musulmans, sachez que ce sont des gens qui veulent établir un égarement. Ce sont des gens qui veulent établir un égarement. Des gens qui se réunissent en secret, qui parlent de choses qui sont différents de ce qu'ils disent en public devant les musulmans en général. Sachez que ce sont des gens qui veulent établir un égarement. Et donc ça c'est important, de faire attention à ces gens-là, ces individus-là. Et on a remarqué depuis, depuis longtemps, yani, des gens qui se réunissent, qui font des cours en privé, soit dans les maisons, ou soit chez des frères, ou des choses comme ça. Ils se réunissent en petits groupes. Personne ne les connaît. Ces gens-là ne sont pas connus pour faire de la da'wah. Ils ne sont pas connus comme étant des tulab ilm. Ils n'ont pas étudié nulle part. Ils prennent, par exemple, un livre, et ils réunissent 3-4 frères. Comme ça, ils se réunissent entre eux, et ils commencent à donner des cours en privé. Personne ne sait ce que ces gens-là enseignent, excepté ceux qui sont avec ces gens-là en privé. Et ils enseignent et ils propagent des choses qui sont différentes que ce qu'ils disent en public et qui sont différentes aussi de ce qu'enseignent nos ulama. Hein? Et donc, ces gens-là, comme Cheikh Al-Fawzan, il mentionnait dans les explications qu'il donnait, quand il explique dans certains de ses durous, Cheikh Al-Fawzan il disait, le danger, c'est pas que ces gens-là, ils donnent des cours seulement. Déjà, ça c'est un problème, c'est des gens qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas de base, qui n'ont pas bien compris l'islam, ou qui parlent mais sans se limiter dans leur, selon ce qu'ils ont appris, ils dépassent leurs limites. Le danger, c'est pas seulement ça. Le danger, c'est également que ces gens-là, ils parlent en privé. On n'a aucun moyen de savoir qu'est-ce qu'ils disent qui est incorrect. S'ils parlaient, au moins s'ils parlaient en public, au moins si on avait la possibilité de savoir qu'est-ce qu'ils disent, comme ça, au moins, on pouvait les corriger s'ils font une erreur. On pouvait les réfuter s'ils disent quelque chose qui est incorrect. Mais là, il n'y a aucun moyen de savoir. Il n'y a aucun moyen de les réfuter ou de les corriger, puisqu'on ne sait même pas qu'est-ce qu'ils disent et qu'est-ce qu'ils sont en train d'enseigner. C'est ça le danger. Hein? Donc c'est pour cette raison-là qu'il est très important que notre da'wah soit ouverte, soit publique, soit faite devant tout le monde et que tout le monde ait la possibilité d'entendre notre message, d'entendre notre da'wah qui est la da'wah du Coran et de la Sunna et de l'exemple des Sahaba et de leur compréhension et de leur méthodologie. Et comme l'imam Omar ibn Abdel Aziz disait, si vous voyez des gens qui se réunissent en privé et qui parlent de sujets en privé qui sont différents de ce qu'ils disent devant les gens ordinaires ou devant le commun des musulmans, sachez que ce sont des gens qui veulent établir un égarement. Le Cheikh il dit ensuite, وَلَقَدْ عَلَّمَنَا أَشْيَاخُنَا الْأَفَاضِلُ وَعُلَمَاؤُنَا الْكِرَامِ تِلْكَ الدَّعْوَةَ الْوَاضِحَةَ الْمُسْتَمَدَّةَ من هدي النبوة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم المبنية على هدي الكتاب والسنة بعيدة عن الإفراط والتفريط. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما تلك الدعوات التي لا يمكن أن تسمع إلا عبر الكهوف أو عبر الفيسبوك أو عبر بعض المواقع المظلمة أو عبر هذه المواقع وتلك هذه مواقع فاسدة ودعاتها فاسدون والمستجيبون لها لهم والمستجيبون لهم فاسدون ومن يتأثر بها فاسد خذوها قاعدة من يتلقى تلك الدعوات الفاسدة. Donc le cheikh il dit et nos shuyukh, hein, nos nobles shuyukh et les ulama, ils nous ont enseigné cette da'wah clairement, hein, cette da'wah qui est claire et qui est extraite de la guidance de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui est établie sur la guidance du Coran et de la Sunna et qui est loin de l'extrémisme et du laxisme. En ce qui concerne les autres da'wat, hein, les autres qui sont en opposition avec le Coran et la Sunna, eh bien, tu ne peux pas les entendre excepté dans des caves ou bien sur des sites internet comme Facebook ou bien dans d'autres sites sombres et ténébreux, hein, ou des sites de ce genre. Et ça, on a vu apparaître cette catégorie aussi de da'wah. Une da'wah qui est virtuelle seulement. Des gens qui donnent des cours que sur internet. ils vont pas aller voir les gens, ils vont pas être dans la mosquée pour enseigner aux gens directement. Hein? Ils se cachent dans l'internet et ils propagent leur da'wah dans l'internet. Et la plupart des gens de bid'ah, c'est comme ça aujourd'hui maintenant qu'ils propagent leur da'wah. Les takfiri, les jihadis, tous les gens d'égarement qui propagent ces égarements-là, c'est sur internet qu'ils le font. Ils sont pas capables de le faire dans la mosquée, devant tout le monde. Hein? Ils sont pas capables. Et leur excuse, c'est quoi? Ils disent, ah, mais si on le fait, on va se faire arrêter, on va se faire ci, on va se faire ça. Oui, mais si vous êtes sur le haq, vous prétendez que vous êtes sur le haq, alors que vous n'êtes pas sur le haq, vous êtes sur le batil, vous êtes sur l'égarement, vous êtes sur la voie des khawarij et des chiens de l'enfer. Donc, hein, même si vous étiez vraiment sur le haq, vous auriez pas peur de faire qu'est-ce que vous prétendez être la vérité. C'est comme certains d'entre eux, Allah al-Musta'an, quand ils appellent à leurs égarements, quand il n'y a personne qui les entend, tu les vois, ils parlent comme s'ils ont peur de personne. Aussitôt qu'ils voient la police, ils commencent à se cacher, ils ont peur, ils pensent que, hein, ils ont peur de se faire arrêter. Parce que c'est, la réalité c'est ça. Ce sont des peureux, ce sont des minables. Hein. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous débarrasse de ces gens-là. Hein. Donc, cette da'wah, elle ne doit pas être faite de cette manière. Caché seulement, ou dans l'internet seulement, des choses comme ça. L'internet, c'est un moyen de transmettre les durous. Mais les ulama, quand ils donnent leurs durous, ils donnent les durous dans les mosquées. Ils enseignent à la mosquée et les gens enregistrent les durous et le mettent sur internet. Ils font pas juste les durous comme ça sur internet, juste pour les mettre sur l'internet, puis ils ont pas de contact avec les vraies personnes. De façon concrète, hein? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allait vers les gens, il parlait aux gens, il leur enseignait directement, même parfois dans le souk, il allait leur faire la da'wah. Partout où il avait l'occasion de faire la da'wah, il faisait la da'wah aux gens. Il se cachait pas dans une cave, dans un grenier. Peut-être au début de l'islam, lorsque il y avait pas beaucoup de musulmans, hein, ils se réunissaient dans l'Arqam. Mais lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné d'exprimer ouvertement la da'wah, fasda' bima tu'mar, à partir de ce moment-là, il n'a plus jamais utilisé cette méthode. Il a propagé la da'wah de façon ouverte et publique. Et il a appelé tout le monde à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc ça, c'est très important. Le cheikh, il dit, c'est pas par cette méthode. Maintenant, les gens de bid'ah, c'est ça ce qu'ils utilisent. Hein, pour propager leur batil. Et c'est rendu à un point tel que les gens, ils ont, parfois, ils n'ont plus de vie réelle. Ils ne vivent que sur l'internet. Hein? Allah al-Musta'an. Ça, c'est une musiba aussi. Les gens, ils sont devenus tellement attachés à l'internet maintenant. Tu vois, dans la maison, des fois, l'homme, il parle pas à sa femme. La femme, elle parle pas à son mari, parce que les deux, ils ont leur ordinateur dans la maison. La femme, elle parle sur Internet avec ses amis, ou bien elle écoute les durous, ou bien elle fait ci sur l'Internet, et l'autre, il a son ordinateur, il est sur, hein, ses sites ou ses trucs, et ils se parlent pas. Et tout le monde est occupé toujours sur l'Internet. Même des fois, il y a des durous à la mosquée, ils disent, ah, je vais suivre sur Internet, je vais pas aller à la mosquée. Hein. Donc ça, c'est Ani Allah al-Musta'an. Il faut revenir à la vie réelle, laisser un petit peu de côté la vie virtuelle. Hein? Il y a des gens qui existent que sur Internet. On sait pas où ce qu'ils sont, on sait pas qu'est-ce qu'ils font, mais on entend juste parler d'eux sur Internet. Hein? Allah al-Musta'an. Donc ça c'est pas comme ça la da'wah. C'est la da'wah, c'est avec yani, la propagation de cette da'wah, elle doit se faire en public devant les gens. Et les gens doivent entendre, ils doivent savoir, ils doivent voir. Le Cheikh il dit, لهذا أقول لكم بكل وضوح كما أشار أخي قضية المظاهرات التي يدعو إليها الرعاع والسفهاء ومرضى القلوب والموتورون والمستأجرون من قبل الصهيونية العالمية تلك الدعوات انظروا من يقف وراءها يقف وراءها ست فئات وفي الحقيقة لا عطر بعد عروس ولكن أخي الذي هاضني الأخي هو الذي هاضني لأطرق هذا الباب فأقول وراء تلك الدعوات ست فئات كلها تشتغل في الخفاء في الظلمات. ففي سورة الأنعام: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا ينطبق على هؤلاء. أقول وراءهم ست فئات تشتغل في الظلام. الفئة الأولى الغرب على اختلاف دياناتهم ومللهم الفاسدة، وهم المؤيدون لتلك الدعوات الفاسدة الداعية إلى إسقاط العروش ويطلب أهلها المناصب. Donc le cheikh il dit, je vais vous dire de façon claire, en toute clarté, comme notre frère Cheikh Ramzan il l'a indiqué, la question des manifestations. Ceux qui appellent à ces manifestations dans les pays arabes, dans les pays musulmans en général, et dans les pays de Kouf même, parce qu'il y a des musulmans, Allah, c'était le jour que je suis arrivé, je pense le lendemain, vendredi, il y avait une manifestation ici quand je suis tourné au coin de la rue, pas loin quelque part ici à Bruxelles. Allah, je vois que c'est des choses qui se passent même ici. Alors que, il y en a ça par rapport avec, il y en a c'est pas ici que ça se passe, mais on fait des manifestations pour qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays. Donc ceux qui font ça, le cheikh il les décrit en disant que ce sont des racailles, des faibles d'esprit, des malades de cœur, des gens qui ont été payés parfois par le zionisme mondial. Et ils ont, derrière eux, 6 catégories de personnes. Certains, parmi ces gens qui appellent à ces choses-là et ces manifestations-là, il y a 6 catégories de personnes ou 6 groupes qui les poussent et qui les motivent ou qui les encouragent. Et le cheikh dit, yani, je ne voulais pas rajouter ou rentrer trop dans les détails à ce sujet-là, puisque le cheikh Ramzan il a déjà bien mentionné ce qui est suffisant au sujet de ces questions-là, mais il dit... Il m'a mentionné de clarifier certains de ces points-là, donc il veut donner plus de clarifications ou d'exemples à ce sujet-là. Donc il y a 6 groupes. Et tous ces groupes-là, ils travaillent en secret, dans le noir, pour propager leurs égarements. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-An'am, le verset 122, en parlant de. Il dit : est-ce que celui qui est mort. Puis à qui on a donné la vie et qu'on lui a donné une lumière dans laquelle il marche parmi les hommes est comparable à celui qui est dans les ténèbres et qui ne peut pas en sortir. Donc il mentionne ce verset-là et il dit ce verset s'applique à ces 6 groupes dont on va parler. Il dit le premier de ces 6 groupes c'est l'Occident. Ceux qui sont derrière ces manifestations-là c'est l'Occident. Peu importe leur religion, peu importe leur tendance, ou leur voix, qui sont corrompues, ils sont tous en train d'encourager ces fausses da'awat, et ces gens qui appellent à ces manifestations-là, ils les encouragent. Ils les encouragent à faire tomber les trônes et à se révolter contre le pouvoir. Donc ils encouragent les gens à faire ces actions-là. Ça, c'est l'Occident en général. Et on le voit dans leurs médias, on le voit dans tout ce qui se passe à la télé. Ils font l'encouragement, même parfois militaire. Ils vont les supporter même militairement et économiquement pour les aider dans ces manifestations-là. Donc, l'Occident, c'est les premiers. الثانيه الرافضة. ولقد شنت حملات عبر ما يسمى بقناة العالم وغيرها كلها ولله الحمد باءت بالفشل في بلادنا وإن كانت قد نجحت في بعض البلاد الذين ليس عندهم من يوجههم. Donc le deuxième groupe c'est le groupe des rafidah. Les rafidah c'est le deuxième groupe parmi ceux qui sont derrière ces manifestations là et ils ont fait beaucoup de propagande à travers leur chaîne satellite comme Qanat al-Alam et d'autres également. Et toutes ces tentatives qu'ils ont essayé de faire, elles ont toutes échoué dans nos pays. Alhamdulillah, même si peut-être dans certains pays ils ont réussi, chez ceux où il n'y a pas de personne pour les orienter ou les diriger vers la sunna et leur faire connaître la vérité par rapport à ces choses-là. Le troisième groupe, c'est Al-Khawarij. الثالثة الخوارج سواء منهم المختفون الذين يدعون في الظلام والقابعون في الكهوف أم الخوارج القعدة الذين يهيجون وهم يستترون بين الناس هنا وهناك كما دعا بعضهم إلى إنشاء ملكية دستورية أو نحو ذلك مما دعا إليه هؤلاء الأوغاد من مرضى القلوب وقعدوا عليه أو وقعوا عليه وتحالف أولئك الخوارج الذين يدعون زعامة الصحوة تحالفوا جنبا إلى جنب مع الليبرالية العلمانية وهي الفئة الرابعة التي أيدت هذا الأمر الليبرالية العلمانية دعاة الإلحاد. Donc, il dit le cheikh que le troisième groupe, ce sont les khawarij. Peu importe que ce soit ceux d'entre eux qui se cachent dans l'obscurité et qui travaillent dans les cavernes, hein, ou dans les grottes, ou bien les khawarij qui font partie de ce qu'on appelle al-qa'ada, hein, al-qa'adiyya. Les khawarij al-qa'adiyya, c'est-à-dire, c'est ceux qui, qu'est-ce qu'ils font? Ces khawarij, Al-Qa'adiyya, c'est une des sectes parmi les khawarij. Ils ne prennent pas les armes contre les dirigeants. Mais ils incitent les gens à se révolter. Et ils parlent contre les dirigeants et ils les insultent publiquement pour semer la rage et la haine dans le cœur de la population et de la masse pour les pousser à la révolte par la suite. Donc ce sont une des sectes parmi les sectes des Khawarij qu'on appelle Al-Qa'adiyya. Hein? Donc ceux-là, ils se cachent parmi les gens, ici et là, hein? Et ils appellent à leurs idées. Et comme on l'a vu en Arabie Saoudite, certains individus parmi eux, hein, eh bien ils appellent à établir une monarchie constitutionnelle, hein? Allahu al-Musta'an. Et ils appellent à toutes sortes de choses de ce genre parmi les catégories de personnes qui ont des maladies d'hypocrisie dans le cœur. Et ils ont même signé une lettre qu'ils ont écrite avec des demandes dans lesquelles ils demandaient justement qu'il y ait une monarchie parlementaire ou bien une monarchie constitutionnelle ou des choses comme ça pour imiter qu'est-ce qui se passe en Angleterre ou bien je sais pas dans d'autres pays de coffre. Des choses de ce genre. Et ça, c'est contraire, bien entendu, à l'islam et à la charia et au fait de juger selon la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils se contredisent. D'un côté, ils font le takfir des pays qui disent qu'ils n'appliquent pas la charia d'Allah et qui jugent selon les lois des hommes. Puis, après, ils appellent à établir une monarchie constitutionnelle et ils appellent à la démocratie. Et c'est la contradiction, hein? Allahu al-Musta'an. Donc, en plus, Allahu al-Musta'an, ils s'allient et ils font des alliances avec les groupes laïcs et libéralistes et démocrates. Ils s'associent avec eux contre les ulamas et contre les dirigeants des pays musulmans pour établir leur démocratie. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ces libéralistes laïcs, ça, c'est en réalité le quatrième groupe qui sont en train de travailler pour propager ces idéologies et ces manifestations et ce désordre dans les pays musulmans actuellement. Al-Libaraliyya, Al-Almaniyya, Du'atul Ilhad. Ceux qui sont contre la religion, qui appellent à la laïcité, qui veulent complètement enrayer ou éliminer toute trace d'islam dans les pays musulmans. Donc ça c'est cette catégorie-là. Ensuite, Al-Fi'atul Khamisa. طلاب الكراسي والمناصب قال شيخ الإسلام ابن تيمية لو تأملنا أصحاب الخروج دائما يعني أصحاب الثورات والثيران يعني لو تأملتهم وتأملت مناهجهم لوجدتهم لا تخرج أهدافهم أو لا تخرج أهدافهم عن أمرين، إما أن يكونوا طلاب مال، وإما أن يكونوا طلاب ماذا؟ حكم ومنصب. أبدا لا يخرجون عن هذا. أما من خلفهم الذين يطبلون خلفهم، أما من خلفهم الذين يطبلون خلفهم، فمنهم المغرور، ومنهم الجاهل، ومنهم السفيه، ومنهم من يصطاد في الماء العكر. Donc le cheikh il dit que le cinquième groupe parmi ces groupes qui travaillent pour semer le désordre et les manifestations et le désordre et la corruption dans les pays musulmans actuellement, ce sont les gens qui cherchent le pouvoir, les gens qui cherchent les positions importantes. Hein? Donc eux, ils veulent avoir un poste, ils veulent avoir le pouvoir, ils veulent enlever celui qui est là pour prendre sa place. Et le cheikh dit, si on regarde tous ceux qui ont fait des révoltes ou des rébellions à travers l'histoire, eh bien, si on médite sur leur méthodologie, on va trouver que leurs objectifs ne sortent pas de deux objectifs. Soit qu'ils veulent de l'argent, ou soit qu'ils veulent du pouvoir. Un des deux. Soit qu'ils veulent de l'argent, soit qu'ils veulent du pouvoir. Ça, c'est un autre groupe. Ça, c'est pas les Khawarij. Ça, c'est un autre groupe qui veulent sortir contre les dirigeants pour prendre le pouvoir. Soit pour l'argent, ou soit pour le pouvoir. Mais sans nécessairement faire le takfir. Hein? Parce que les Khawarij, ceux, c'est eux, c'est ce qui les distingue. Et le sixième groupe, donc le cheikh il dit que tu ne trouves pas, cheikh l'islam il dit, tu ne trouves pas de gens qui sortent de ces deux catégories-là, parmi ceux qui sortent pour le pouvoir ou pour l'argent. Tu ne peux pas trouver un troisième. Et parmi ceux qui sont derrière ceux-là et qui tapent le tambour pour eux, en arrière d'eux, eh bien, il y a ceux qui ont été trompés, ceux qui sont ignorants, ceux qui sont faibles d'esprit, et ceux qui veulent pécher dans les eaux troubles. Hein? C'est ceux-là qui sont derrière eux. Et la majorité de la population, souvent, c'est comme ça. Ils ne savent même pas qu'est-ce qui se passe, ils ne comprennent rien, ils ne savent rien. Mais ils voient des gens qui font quelque chose, alors ils se mettent derrière eux. Et ils les suivent, alors qu'ils connaissent rien de l'islam, ni de la charia, ni des principes. Et ils ne savent même pas non plus les intentions ou les objectifs de ceux qui font, qui ont débuté ou qui ont parti ces choses-là. Mais ils les suivent aveuglément, hein, comme des moutons. Masha'Allah al-Afiyah. Et le sixième groupe, al-fi'atu s-sadisa al-murtaziqa, وَمَنْ يَصْطَادُ فِي الْمَاءِ الْعَكِرِ ولكنهم ولله الحمد فشلوا وسيفشلون وتحطمت جميع مخططاتهم على هذه الصخرة الصلبة في هذه البلاد التي قامت على توحيد الله الخالص والتي قامت على هدي النبوة التي قامت على نشر التوحيد الخالص الصافي من كل كدر فلقد أجلبوا بخيلهم ورجلهم وقنواتهم وفيسبوكهم وكافة سبلهم التي جندوها وصحفهم ومجلاتهم وجميع ما أوتوا من قوة ودعوا إلى مظاهرات في جمعة معينة في بلد الإسلام في بلد التوحيد في بلد المقدسات في بلد حمى الإسلام فردهم الله على أعقابهم خاسرين وردهم الله بغيظهم لم ينالوا خيرا وباءوا على أعقابهم خاسرين باءوا بالخسران والخيبة ولم يتحرك أحد ولم يستجب لهم أحد فضلا من الله ونعمة فنحمده تبارك وتعالى وهو للحمد أهل. Donc le cheikh il dit, le sixième groupe c'est al-murtazika, c'est-à-dire les mercenaires et ceux qui veulent pécher dans les eaux troubles. Mais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont échoué dans leur tentative et tout leur complot et leur pleins se sont frappés à un rocher solide dans ce pays qui est établi sur le tawhid pur et qui est établi sur la guidance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui a été établi sur la propagation du tawhid pur, hein, pur et nettoyé de toute impureté et de toute saleté. Hein, et ils ont ramené leurs chevaux et leurs hommes et leurs canaux, hein, leurs chaînes satellites et leur Facebook et leurs voix. Ils ont tout ramené, leurs armées et leurs journaux et leurs magazines et tout ce qu'ils possédaient comme puissance ou comme force. Et ils ont appelé à faire des manifestations dans un vendredi en particulier, dans un pays de l'islam, le pays du tawhid, le pays des terres saintes, des lieux saints, le pays de la protection de l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a retournés sur leur, yani, sur leur pas, et yani, il les a renvoyés, retournés en arrière. Ils n'ont rien été capables de faire. Et il faut savoir, ça c'est un point très important par rapport à ce que le cheikh est en train d'expliquer ici, et que beaucoup de musulmans, malheureusement, ils ne savent pas parfois, ou bien ils ne réalisent pas, c'est que les terres saintes, depuis qu'ils sont entre les mains des ulama d'Ahl-Sunnah et des gens d'Ahl-Sunnah qui sont sur le tawhid et sur la salafiyya, hein, avec la famille d'Al-Saoud et des ulama qui ont suivi la da'wah du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, hein, et ceux qui sont venus après lui sur cette da'wah, hein, eh bien, ils ont protégé, hein, les terres saintes des bid'ahs et des innovations et des shirkiyats et des égarements et des superstitions qui étaient propagées et qui étaient présentes là-bas depuis des siècles. Beaucoup de musulmans ne connaissent pas l'histoire des terres saintes. Beaucoup de musulmans ne savent pas que pendant 1000 ans presque, hein, peut-être 200 ans après la mort du professeur Sam ou plus, hein, environ 300 ans, jusqu'à la venue du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, les terres saintes ont souvent été entre les mains des Shia ou des Soufis ou bien des, même parfois des Qaramita et des Ismailiyya, des gens de l'égarement, et qu'ils ont rempli les terres saintes de shirk et de bid'ah et d'égarement. Hein, et que c'est uniquement avec la venue de cette da'wa mubaraka en Arabie Saoudite qu'elle a été purifiée de ça, que les tombes ont cessé d'être adorées en dehors d'Allah, que les morts ont cessé d'être invoqués en dehors d'Allah publiquement, qu'on a détruit justement ces endroits où les gens allaient faire des pèlerinages aux morts et aux tombes, et qu'on a enrayé et éliminé les superstitions et les innovations qui avaient été ramenées par les gens d'égarement. Et depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, les gens de Bid'a sont enragés, hein, par le fait justement qu'ils ont été repoussés et éloignés, et qu'on les a enlevés des manabirs, qu'ils n'ont plus la possibilité de monter sur un mimbar dans ce pays de Mecca et Medina et des terres saintes pour appeler ouvertement sur le mimbar à leur Bid'a ou à leur shirk, ou à leurs coffres, ou à leurs égarements, ou à leurs choses qui contredisent la charia d'Allah. Et donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent tout faire pour essayer de les reprendre. Ils veulent tout faire. Les rafidas, ils rêvent. Shia rafida, les gens qui insultent les sahaba, qui pensent que c'est une adoration, qui pensent qu'en insultant Abu Bakr, Omar et Uthman, radiyallahu anhum, ils se rapprochent d'Allah. Qui croient que tous les sahaba sont devenus des kuffars après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui adorent les morts et les tombes et qui font des pèlerinages à Najaf et à Karbala. Leur religion s'est basée sur le shirk et l'adoration des morts, et sur l'adoration de qui? De Ahlul Bayt. Ils ont fait avec la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam des idoles en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. La même manière que les chrétiens, ils ont adoré Isa ibn Maryam, la même manière que les rafidans ont adoré Ali radiyallahu anhu et ses descendants. Il n'y a pas de différence. On peut dire que les rafidans ont dépassé les chrétiens dans leur shirk et dans leur kufr. Le shirk des rafidans avec la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus grave, a dépassé le shirk des chrétiens et des juifs. Et c'est pour ça qu'un jeune de Paris, un des élèves de dénommé Bachir, un Tunisien, lorsqu'il est venu me voir à la fin d'une de mes conférences à Paris, il est venu me voir et il m'a dit, mon frère, il ne faut pas se dire salafi. Hein? Et ensuite, après ça, il m'a dit, et il ne faut pas se désavouer des Ikhwan et des Tablir. Il me dit, il faut se désavouer des Rafida, mais il ne faut pas se désavouer des Ikhwan et d'établir. J'ai dit, subhanallah, est-ce que tu sais, est-ce que tu es au courant que parmi les musulmans, il n'y a personne qui est plus proche et qui défend le plus les Rafida que les Ikhwan? Donc comment tu peux me dire que je dois me désavouer des Ikhwan mais pas des Rafida, alors que les Ikhwan sont les alliés des Rafida? Hein? Hassan al-Banna, le fondateur des Ikhwan, il a établi là-bas en Égypte, à son époque, un centre pour le rapprochement entre la Sunna et les Shia. Et tous ceux qui l'ont suivi après lui ont suivi cette voie également et ont travaillé pour ça. Quand Al-Khomeini a fait sa révolution en Iran pour établir la secte des Shia comme religion d'État là-bas, eh bien, après qu'il a établi sa secte au pouvoir, les Ikhwan ont envoyé des délégations à travers le monde pour le féliciter et même pour lui demander, pour lui offrir la bay'a et l'allégeance. Et un cheikh s'appelle Abu Abdullah Othman al-Misri, Khalid Abu Abdullah, barakallahu fik. عثمان اسمه خالد ابن عثمان أبو عبد الأعلى هذه كنيته طيب en tout cas الشيخ أبو عبد الأعلى المصري il a écrit un livre qui s'appelle كشف العلاقة المريبة بين الإخوان المسلمين والشيعة et dans ce livre il a démontré les relations qui existent entre les إخوان et les رافضة à travers l'histoire, à travers les plus grosses têtes du mouvement et de la secte des frères musulmans, et comment ils ont toujours travaillé avec eux. Et il a montré même des exemples du parti de Hamas en Palestine, hein, et comment ils ont des relations avec les Shia Rafida aussi. Hein. Et le Hamas est une des branches, une des ailes du mouvement des Ikhwan. Hein? Et la même chose pour leur alliance ou leurs affiliations avec le groupe de Nasrallah au Liban. Et toutes ces autres tendances-là. Comment tu peux me dire par la suite, tu me dis, il faut se désavouer des Rafida, mais pas se désavouer des Ikhwan. Et après, il me dit, oui, mais parce qu'il y a parmi les Ikhwan, il y a des Awam, il y a des gens qui ne savent pas. Ils sont juste derrière eux. Et oui, ceux-là, c'est autre chose. C'est-à-dire eux, ceux qui ne savent pas la réalité des Ikhwan, ceux qui sont avec eux parce qu'ils n'ont pas réellement la connaissance de qu'est-ce que c'est les Ikhwan. Ils ne savent pas c'est quoi la aqida des fondateurs des Ikhwan. Ils ne savent pas c'est quoi le manhaj des fondateurs des Ikhwan. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a derrière la réalité des Ikhwan, qu'est-ce que c'est. Ils pensent que c'est juste un groupe musulman qui veut travailler pour la religion, pour l'islam. Eux sont excusés à cause de leur ignorance. Si tu vas les voir, tu vas leur expliquer, tu vas leur donner des livres, tu vas leur donner des cassettes, tu vas leur parler, tu vas leur expliquer. Non, ces gens-là, voici leur aqida, voici leur manhaj. Fais attention. Voici ce qu'ils prêchent, voici ce qu'ils enseignent. Et que après, par la suite, après avoir connu la réalité des Ikhwan, continue de les défendre. Continue de les aimer, continue de les supporter et commence à se mettre à détester ceux qui les critiquent. Là, à partir de ce moment-là, tu dois les affilier ou les considérer comme étant parmi les autres Ikhwan de la même façon. Mais si ce sont des gens qui ne connaissent pas, qui suivent aveuglément parce qu'on ne leur a pas expliqué la vérité à leur sujet, eh bien, tu dois leur expliquer et avec sagesse et avec douceur et avec science et leur faire comprendre le danger et la contradiction qu'ils ont avec l'islam et la sunna. Et la même chose pour les groupes comme Tabligh ou des autres groupes de ce genre. Parce que beaucoup de musulmans qui sont avec ces groupes-là, peut-être que parmi eux, beaucoup d'entre eux ignorent la réalité de qu'est-ce qui est derrière ces groupes-là. Donc pourquoi j'ai dit tout ça, c'est parce que les gens de Bid'a maintenant, ils sont tous autour de l'Arabie Saoudite à cause de sa aqida, à cause de son manhaj, et ils souhaitent tous voir tomber ce pays à cause du fait qu'il est le seul pays dans le monde musulman, premièrement, qui applique la charia d'Allah et qui établit le tawhid et qui appelle au tawhid et qui appelle à la sunna et qui combat les bid'a dans le monde entier. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné à ce pays musulman, à cet état islamique qui applique la charia d'Allah, la richesse du pétrole, hein, qui a été une cause justement qui a aidé dans la propagation de la da'wa. Même si malheureusement parfois il y a des infiltrés dans ce pays-là, parmi les Ikhwan, qui ont réussi à établir leur pouvoir dans certains milieux et qui utilisent leur influence pour propager et financer les mouvements de Sururiya et les mouvements des Ikhwan à travers le monde de façon indirecte. Et à cause de ça, parfois, il y a beaucoup de confusion qui plane justement à cause de ça sur la réalité de l'Arabie Saoudite. Mais la réalité, c'est que si tu retournes aux ulama qui ont établi cette da'wah en Arabie Saoudite, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et que tu retournes à ses livres et à ses enseignements, et que tu retournes aux livres de ses élèves et à ceux qui ont suivi sa tendance et sa voie, et au livre du Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, hein, l'ancien mufti, avant Cheikh ibn Baz, et c'était le Cheikh de Cheikh ibn Baz, et le Cheikh ibn Baz, hein, Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah, et également tous les autres mashaykhs et les autres ulama de l'Arabie Saoudite, et tu vois leur fondement, et leur base, et leur aqida, et leur manhaj, ils ont tous condamné les manifestations. Ils ont tous condamné les voix des Khawarij. Ils ont tous condamné les groupes de Bid'al, Soufiya. Ils ont tous condamné les Aqidah des Asha'ira et des gens de Dalal. Hein? Et ils ont clarifié leurs égarements. Ils les ont réfutés. Ils ont écrit des livres pour répondre à chacune de leurs Shubuhat. Donc si des gens aujourd'hui vous viennent et commencent à essayer de vous mélanger sur des questions et commencent à flatter les gens de Bid'al, commencent à défendre les gens de Bid'a et qu'ils se prétendent sur la Sunna, et ils refusent qu'on les critique, ils refusent qu'on mentionne leurs erreurs ou qu'on clarifie aux musulmans la réalité de ces gens-là, alors sachez que ces gens-là, il y a quelque chose qui n'est pas clair à leur sujet, quelque chose qui est contraire à la clarté que l'islam nous ordonne d'avoir. Donc faites attention, yani, aux propagandes qui sont faites au nom, hein, d'intérêts politiques ou autres, ou qui sont faites au nom de d'autres tendances, comme qu'est-ce que le cheikh est en train de nous expliquer dans cette conférence. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il mentionne comment tout, malgré tous les efforts qui ont été faits pour établir des manifestations et des révoltes en Arabie Saoudite, soit de la part de ces groupes-là qu'on a mentionnés ou d'autres, ils ont tous échoué, ils n'ont pas été capables de le faire. Et ça nous montre une grande différence entre les fondements et les bases de la société en Arabie Saoudite qui sont établies sur le Coran et la Sunna et la compréhension des salaf al-salih, et qu'est-ce qui s'est passé dans d'autres pays arabes malheureusement qui n'ont peut-être pas ces bases solidement ancrées de la même manière et qui n'ont pas de ulama pour les orienter et leur montrer la voie à suivre et la manière à adopter pour justement faire face à ces fitans et comment s'en sortir. Hein, et ils ne connaissent pas la voie d'Ahlus Sunnati wal Jama'a, hein, vis-à-vis de ces fitan, hein, et que l'islam nous interdit ce genre de réaction et d'activité. Donc on va s'arrêter ici inshallah pour cette explication et pour cette conférence, walhamdulillah. Et donc on espère que ça a été quelque chose de bénéfique et de clair, hein, et qu'on a réussi au moins à faire comprendre certains fondements de notre da'wa, qu'on a été capable également de faire comprendre aussi la réponse à certaines shubuhat qui sont propagées parmi les jeunes salafis, parmi les nouveaux frères qui se sont joints à la salafie récemment et qui n'ont pas des bases solides encore, qui sont encore fragiles sur leurs pieds, et que parfois lorsqu'ils entendent quelque chose comme ça, eh bien ça vient les secouer un peu, parce qu'ils ne savent pas encore comment répondre à ces choses-là. Ils n'ont pas encore établi une science, une connaissance ferme de la sunna et de la salafia, alors ils ont besoin d'être raffermis par justement la clarification de ces choubouhats avec les réponses que les ulama nous ont données justement à ces choubouhats-là. Hein? Donc, on espère que Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente tous en science, nous augmente tous en ikhlas, en sincérité et en pureté dans notre adoration, dans nos paroles, dans nos actions, pour que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait soit uniquement et purement pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il nous préserve de l'erreur et de l'égarement et de tout mal. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.